disent. Sans jamais me trahir, vous m'avez vu grandir. Vous savez que l'emparé m'avait soutenu. Maintenant cette voix-là, vous l'avez reconnue. Cette musique est dédiée à ma famille et dédiée à mes amis. Je vous remercie. Cette musique, elle est dédiée à mes potes ou mes amis. Cette musique intitulée à tous, je vous remercie. Ici je prends le micro pour vous dire ce que je pense. Ça vient du cœur de Chino avec des rimes qui sont franches. Je me souviens de mes débuts quand je faisais mes premiers pas. Et me revoilà perdu dans le monde du peurat. À part ça je n'ai rien à dire si ce n'est que vous remercier. Ce qui rentrait dans mes délires, jamais vous n'en sortirez. Je vais remercier des personnes, je crois qu'elles se reconnaîtront. Je vais commencer par la zone ainsi qu'à papa, maman. Si aujourd'hui je suis là, je crois bien que c'est grâce à eux. Je dédicace à moi un 3 en levant le doigt vers Dieu. Je remercie ma petite sœur qui m'a toujours soutenu. Et ça vient du fond du cœur, j'espère bien que tu l'as vu. Pour terminer le couplet, je viens tous vous remercier. Peu importe ce que je deviendrai, jamais je vous oublierai. À tous mes amis, je vous remercie. À toute ma famille, je vous dis merci. Vous m'avez suivi dans toutes mes envies. Sans jamais me trahir, vous m'avez vu grandir. Vous savez que l'emparé m'avait soutenu. Maintenant cette voix-là, vous l'avez reconnue. Cette musique est dédiée à ma famille et dédiée à mes amis. Je vous remercie. Je passe une grosse dédicace qui font tourner les flyers, ainsi qu'à Poto Intact, un de ses amis rappeurs. Aussi un très grand big up à HHS et Clash FR. Grâce à vous j'ai eu la cup, je vous remercie les frères. Quand j'ai commencé le clash, je me rappelle de mes impros. C'était des rimes à l'arrache avec Poto le micro. Je passe aussi le bonjour à ma sœur et ma belle-mère. Et sans oublier l'amour de mon frère et mon beau-père. Beaucoup de gens qui ont fait qui étaient toujours là. Aujourd'hui j'ai triomphé, c'est grâce à vous les gars. Sur ma vie à tant de gens qui je pourrais donner ma vie. Et puis qui me donne la naissance sans te parler de ma ville. Et oui mec j'y passe enfin, à ma ville j'y n'y a que la merde. C'est le 1380 que je représente en clair. Et oui voilà c'est comme ça, j'oublierai jamais les miens. Ceux qui ont été avec moi, que Dieu bénisse vos deux mains. À tous mes amis, je vous remercie. À toute ma famille, je vous dis merci. Vous m'avez suivi dans toutes mes envies. Sans jamais me trahir, vous m'avez vu grandir. Vous savez que l'emparé m'avait soutenu. Maintenant cette voix-là, vous l'avez reconnue. Cette musique est dédiée à ma famille et dédiée à mes amis. Je vous remercie. Ok, je vous remercie tous. Je vais citer des noms, j'espère que j'en oublierai pas. Grosse dédicace pour Sabrina, Jigma, Djoub, Automatique et Os, Moïse Escamez, Naro, Laura, tous ceux qui ont participé à l'album. Une grosse dédicace aussi pour ce qu'ils m'ont mis au monde, mes parents, mes amis, mes potos, ceux qui m'ont soutenu, ma ville, Gignac Lanerte. Grosse dédicace à Marseille aussi, et à tous les MC de Teamspeak, je crois qu'ils se reconnaîtront. Sachez une chose, c'est Chino qui vous parle. Je donnerai jamais assez pour vous remercier. Merci à tous. Au fait, tu croyais que je t'avais oublié? Grosse dédicace à toi qui a écouté l'album. Et n'oublie pas, l'espoir fait vivre.